Sur les ondes, bien sûr, du 99.1 et 89 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette première édition de l'année 2017 de Méloman. Très content de vous retrouver ce soir après une longue absence d'un mois, chers amis. Avec même un petit contretemps la semaine passée où j'ai pas pu me rendre pour cause de mauvaises conditions routières. Mais bon, j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. En tout cas, moi, je vous souhaite de la santé pour pouvoir accomplir tout le reste parce que, vous savez, la santé, c'est important. D'ailleurs, vous avez sûrement deviné qu'on rend ce soir un petit hommage à tous nos grands disparus de 2016. Des gens à qui, malheureusement, la santé a fait défaut cette année. Justement, c'est pour ça que c'est important. Mais malgré tout, quand même, une année assez particulière, 2016, qu'on a surnommée la Grande Faucheuse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de grandes pertes cette année. D'ailleurs, à commencer par notre thème habituel qu'on entend en ce moment même, Green Onions de Booker T et ses MGs en 1962. Eh bien, imaginez-vous qu'on a perdu cette année le premier bassiste de la formation, soit Lewis Steinberg, à côté de qui on ne pouvait pas passer parce qu'on l'entend quand même à chaque début d'émission. Et juste avant ça, eh bien, vous avez peut-être reconnu René Angélil à ses tout débuts au sein, bien sûr, des Baronets en pleine jeunesse d'aujourd'hui avec « Je suis fou », une adaptation de Gilles Brown d'une composition d'Al Cacha en 1965. Qui suivait ici, qui d'autre que George Michael, grande voix et grande figure des années 80, qu'on a perdu au très jeune âge de 53 ans, le jour de Noël, en plus son Last Christmas, malheureusement, comme la chanson de son groupe Wham, presque devenue prémonitoire avec le recul. Mais là, pour les circonstances, c'est la pièce-titre de son premier album solo, Fate, de 1987, qu'on a entendu ici, avec son introduction d'orgue, comme une espèce de messe funéraire pour tous les géants qu'on a perdus, dont le géant des géants, Sir George Martin, nul autre que le cinquième Beatle, sans qui Lady Beatles aurait sûrement pas connu le même succès, carrément, le talent il l'avait, mais sans un producteur doublé d'un arrangeur hors pair. Comme George Martin, il aurait peut-être pas pu accomplir autant et autant développer leurs idées aussi comme dans la gigantesque A Day in the Life, un des enfants chéris de Monsieur Martin de Sgt. Pepper's, bien sûr, en 67. Donc, un jour dans la vie de Monsieur Martin qui suivait une chanson qui nous venait originellement d'un film de Judy Garland de 1939 du nom de Babes in Arms. composition de Nacho Herb Brown et d'Alan Freed, deux habitués d'Hollywood et de Broadway, mais qu'on a surtout connu la chanson d'un grand classique Singing in the Rain, dans lequel on pouvait retrouver la très talentueuse Debbie Reynolds, qu'on a perdu le 28 décembre dernier, très talentueuse, mais fait cocasse, c'est pas elle qu'on pouvait entendre sur la fameuse version de Good Morning de 52, mais bien une certaine Betty Noyes qui doublait sa voix chantée pour le film. Et c'est assez ironique parce que si vous avez vu le film, vous savez que le personnage de Debbie Reynolds doublait elle-même justement la voix chantée d'une actrice qui faisait le passage du cinéma muet au cinéma parlé. Donc bref, une espèce de mise en abîme de doublage, si on veut. Et Madame Reynolds, qui ici, malheureusement, comme dans la vraie vie, suivait sa fille Carrie Fisher, une mort qui nous a tous pris par surprise le 27 décembre, un jour seulement avant sa mère, au très jeune âge, encore une fois, de 60 ans. Donc, en son honneur et avec une petite larme, on a amorcé la soirée avec quoi d'autre que le thème de la princesse Leia, composé par John Williams en 1977, évidemment, pour Star Wars, A New Hope. Mais écoutez, on en a perdu d'autres aussi de qui on a un peu moins parlé. Aussi, on a entre autres perdu le guitariste du King. On écoute Scotty Moore, 99.1 CFNG. The purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old silver box. We'll dance to the jail, let's rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, let's rock with me. Are falling 'cause you've taken her away, and though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Take good care of my baby, please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. Take good care of my baby. Now don't you ever make her cry. Just let your love surround her. Paint a rainbow all around her. Don't let her see a cloudy sky. Once upon a time, that little girl was mine. If I'd been true,

to compare with pure imagination, living there, you'll be free if you truly. Thank you. FNG. some mind on the floor. Take a little time. Come and see. Move me. Give a little sign. I'll be there after a while. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1. Et toujours à Mélomane, on rend un petit hommage à tous nos grands disparus 2016. Du moins, plusieurs d'entre eux, je vous le dis d'entrée de jeu, on pourra pas tout couvrir en deux heures non plus. Mais quand même, on vient d'entendre Morris White, membre fondateur d'Earth, Wind and Fire, qu'on a entendu ici avec le succès Let's Groove de 1981, qui suivait, tant qu'à être dans les longs noms de band, Emerson, Lake and Palmer en 77 avec leur magnifique version de Fanfare for the Common Man, une composition d'Aaron Copland, composition classique de 1942. La version single d'Emerson, Lake and Palmer, parce que la version longue dure tout près de 10 minutes et on n'a pas beaucoup de temps ce soir. Évidemment, ce cher Carl Palmer qui malheureusement doit se sentir bien seul cette année parce que ses deux amis de longue date sont décédés en 2016. C'est pas rien. Keith Emerson en début d'année, suivi il y a pas très longtemps de Greg Lake, dont on va reparler plus tard à l'émission. Évidemment, tous ces gens-là, on leur avait rendu un petit hommage quand c'est arrivé dans l'année, mais là, on fait une rétrospective. Et cette année, on a aussi perdu des grands acteurs, par contre, que tout le monde connaît, des fois sans le savoir, peut-être. Tout d'abord, le Britannique Alan Rickman, qui est décédé un peu de la même façon que Bowie. D'ailleurs, un cancer caché à tout le monde, sauf ses proches. Et exactement au même âge en plus, donc on a évoqué tout ça avec bien sûr le thème principal d'Harry Potter par John Williams, encore une fois, Hedwig Team pour être plus précis, en 2011, Monsieur Rickman, qui avait été très connu pour son fameux rôle de Severus Rogue dans les dernières années, mais écoutez, il a fait beaucoup plus que ça, c'est un très grand acteur, tout comme le seul et unique Gene Wilder, qu'on a honoré ici avec Pure Imagination, célèbre thème de l'intemporel Willy Wonka de 1971. Mais encore une fois, Monsieur Wilder, à qui on doit une foule de rôles marquants, on a juste à penser au film de Mel Brooks ou à ses fameux duos comiques avec Richard Pryor, bien sûr, qu'on n'oubliera jamais. Et avant tout ça, eh ben, il y a aussi eu Bobby V, qu'on a perdu cette année, grand ami de Bob Dylan avec son grand succès Take Good Care of My Baby. Mais écoutez, il y en a tellement eu qu'il faut continuer parce qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir. Tout ça, évidemment, au 99.1 CFNJ.

répondait les jeux, les trucs et les scènes entre nous. Un mariage d'amour, c'est fragile. Attention, la vie est courte. Tout le temps qu'on passe à se battre est foutu à jamais. Clay is back again, you know. Bobbing and weaving and moving away. The man called Cassius Clay is the order of the day. So if you want to see some good exhibition, you got to see the man called Cassius Clay in action. Wawa ji wawa, di wawa ji wo. Tell you, wawa ji wawa, di wawa ji wo. Showing punches that is effective. The brother is fighting constructive, saying wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Ha! Do your thing and let me see you swing. Brother, come and down and do your thing. Move away, Joe Frazier. Ha! Four man on the top, but when Cassius Clay come, he'll drop. So wawa ji wawa, ji wawa ji wo. Ha! Do your thing and do your thing. So brother, come and down and swing. Great sound that leads the way. The brother called Cassius Clay is the order of the day. So the wawa ji wawa, ji wawa ji wo. And the wawa ji wawa, ji wawa ji wo. With a left and a right, and a right and a left. And this gonna be ha! Say the fight of the night, y'all. Say the wawa ji wo. To me. Wow, baby. Cassius Clay say, brother, he's the order of the day. I'm the greatest, you know. Oh. I say, jiwawa, jiwawa. Wow, jiwawa, jiwawa. I make a move, brother, move. So make a move, sister, move. Wow, move and groove, move and groove. Oh. Cassius Clay in the ring. Brother is doing his own thing. Say jiwada jiwawa, jiwawa jiwo. Do your thing, do your thing. Ha, do it, yeah. I'm the greatest heavyweight champion of the world. Cassius Clay is coming back to retain his title. So move away, Judge Foreman, move away. When the man Cassius Clay come your way, I've been weeping, you know. Say Jiwawa, Jiwawa, Jiwawa, Jiwo. I do your thing, do your thing. I let me see you swing, wow. But with a right and a left, and it a left and a right, wow. This gonna be a lot of fight of the night. Cause it's playing Judge Foreman, you know. Wow, move it up. And I tell you, I say Jiwawa Jiwo. Et vous êtes toujours à Mélomanes sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ où on rend un hommage à nos grands disparus de 2016 ce soir. Dennis Al Capone de Jamaïque qu'on vient d'entendre avec Cassius Clay de 1973. Une chanson qui nous parle évidemment de Mohamed Ali. Cassius Clay étant son vrai nom, le plus grand boxeur de tous les temps qu'on a aussi perdu cette année. Tout comme Monsieur Pierre Lalonde aux alentours de la Saint-Jean, à peu près avec une chanson qui pourrait résumer le sujet de la soirée. Attention, la vie est courte, de 1971, composition du grand Stéphane Venn. On a aussi entendu quelque chose d'assez rare, Scotch Tape, du seul album de Guy Nadon et la pollution des sons de 1987. Le seul et unique Guy Nadon autoproclamé le meilleur batteur au monde, un peu à la manière de Mohamed Ali d'ailleurs pour la boxe justement, mais avec un peu moins de prétention quand même et beaucoup plus d'humour, un monsieur de qui on va se rappeler longtemps. Et tout ça amorcé par les deux géants, évidemment, sur qui on s'attardera pas particulièrement parce qu'on leur a quand même consacré des émissions complètes. D'ailleurs, on a entendu deux pièces qu'on n'avait pas entendues dans les deux spéciaux, justement, question de pas trop se répéter. Donc, le classique « I'm your man » pour Leonard Cohen en 88 et « Fame » pour Bowie en 1975, une chanson coécrite par nul autre que John Lennon. Mais là, pour la première partie du prochain bloc, on se retrouve en l'an de grâce 1984. Écoutez, ça donne comme ça. À commencer par le membre fondateur des Eagles, mais en version solo, on écoute Glenn Frey, 99.1 CFNJ. The heat is on. The heat is on. here I come. Come, come, come. Sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She's said, how'd you like to waste some time? And I could not resist when I saw a little Nicky grind. She took me to her castle and I just couldn't believe my eyes. She had so many devices, everything that money could buy. She said, sign your name on a dotted line. The lights went out and Nicky started to grind. Can't tell you what you did to me, but my body will never be the same. Heaven, will you kick your behind? Oh, just show you no mercy, but just shout up, shout up, show you how to fight. Can't make it. Oh, woke up the next morning, Nicky wasn't there. All over, all I found was a phone number on the stairs. It said, thank you for a funky time. Call me up whenever you wanna grind. sans faire de bruit. On nous revient de loin, l'amour s'éveille au jour, après mille détours. Faisons la paix si tu veux. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Yeah. cat food again. Toujours à Mélomane au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on serait supposé entendre en ce moment, encore une fois, l'automne tiré du ballet Les Saisons de Glazounov, qui est évidemment devenu le fameux thème des belles histoires des pays d'en haut ici au Québec, mais pour une raison obscure, le fichier refuse de fonctionner. Mais bon, on en avait déjà parlé à l'émission, c'était prétexte de... Je vous mettais ça en fait pour vous parler qu'en 2016, on a aussi perdu M. René Caron, celui qui jouait l'inoubliable Todor dans Les Belles Histoires, ce qui me mène à vous dire aussi qu'on a perdu plusieurs grands comédiens québécois au cours de l'année 2016, comme Rita Lafontaine, André Montmorency, entre autres, évidemment, j'en oublie beaucoup. Mais sinon, dans notre bloc, on avait aussi réentendu Greg Lake, mais cette fois-ci au sein de King Crimson, groupe légendaire duquel il a aussi fait partie avant Emerson, Lake & Palmer, avec Cat Food de 1970. Une chanson qui a un groove qui est pas sans rappeler celui de Come Together de 69, que j'ai pas pu m'empêcher de vous faire tourner juste avant, toujours en l'honneur de feu Sir George Martin, un géant, rien d'autre à dire. Et avant tout ça, ben on était en 1984 pour toute la première partie du bloc avec, entre autres, « L'amour a pris son temps », chanté par Nathalie Simard, thème intemporel de la guerre des Tucs, que vous avez peut-être eu le plaisir, comme moi, de revoir dans le temps des fêtes. Mais évidemment, c'est plus au réalisateur André Melançon qu'on pensait ici, un enfant éternel qui a bercé l'enfance de milliers de jeunes gens et qui continue à le faire, qui savait vraiment se mettre au niveau des enfants dans ses films. Bref, on a juste envie de dire un gros merci. On a aussi entendu Prince, évidemment, à qui on avait consacré une émission complète, spéciale aussi, avec Darling Nikki, une chanson qui avait fait scandale à l'époque. Dead or Alive aussi, un nom qui prend une connotation bizarre dans les circonstances. Vous saviez peut-être pas, c'est passé un peu plus inaperçu. Mais le chanteur de Dead or Alive, Pete Burns, qui est aussi décédé en 2016, à l'origine de You Spin Me Round Like a Record, un des plus grands succès des années 80, tout comme The Heat Is On, qui nous venait originalement du flic de Beverly Hills, le film, évidemment, avec Eddie Murphy, composition de M. Glenn Frey, qui a surtout été fondateur des Eagles, un des plus importants groupes américains de tous les temps. Mais écoutez, on a aussi perdu des légendes du sport en 2016. On a perdu plein de monde, en fait. On y va d'un hommage au grand Gordie Howe, 99 ans, CFNJ. Them all, the greatest of them all, yes, the greatest of them all. You can have your choice of all the rest. If you're a Howe fan, you've got the very best. From floral Saskatchewan, his story all began. It didn't take him long to be known throughout the land. He's all-star right winger of the NHL today. Hockey fans from everywhere just love to see Howe play. He's one of the Red Wings, a team of great renown. And when it comes to hockey, Howe's the best in town. He sets up all the rookies playing on his line. We know they all thank him because he is so fine. Gordie Howe is the greatest of them all. The greatest of them all, yes, the greatest of them all. You can have your choice of all the rest. If you're a Howe fan, you've got the very best. Oh, Howe is a big man, he stands 6'2". He plays defense center and on the wings too. We can say without doubt, he can even play net. We know that Gordie Howe is Abel's best bet. Just count all the trophies Big Gordie has won. Records on records, he makes them look like fun. For total points, he has him on beat. And the goal record, Howe will soon be. Gordie Howe is the greatest of them all. The greatest of them all, yes, the greatest of them all. You can have your choice of all the rest. If you're a Howe fan, you've got the very best. There was Howe, Lindsay Abel, a line we can't forget. The greatest line in history, not to be equaled yet. Sid Wood passed to Lindsay, Ted then back to Howe. He flicked wrist and blinding speed and a big roar from the crowd. We mentioned before of his talents galore, and how Howe makes it so easy to score. We all think he's great, his fame will never fall. Gordie Howe is the greatest of them all. Gordie Howe is the greatest of them all. The greatest of them all, yes, the greatest of them all. You can have your choice of all the rest. If you're a Howe fan, you've got the very best. If you're a Howe fan, you've got the very best. If you're a Howe fan, you've got the very best. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter,

mama don't like my man. No, she don't like my man. Oh, mama, mama, mama, why you don't like my man? Oh, mama, mama, mama, why can't you understand? Now loving him could be so easy. Loving him could be so easy. But mama don't like my man. La mère a mis sa robe verte et le ciel bleu, son œil est blanc. Elle a voulu être coquette pour dire au ciel en s'éveillant: n'oublie pas mon cœur, ni la fleur, ni le jonc. N'oublie pas surtout que demain nous nous marions. Les pieds dans les sables des dunes, je les ai vus qui s'embrassaient à l'ombre des joncs. Ni la fleur, ni le jonc. N'oublie pas surtout que demain nous nous marierons. Une fleur à la boutonnière, le lendemain se mariait le ciel au bras de la mer fière d'avoir le soleil en bouquet. Il y avait le cœur et les fleurs et le jonc. Depuis mille fois revit cette chanson. Toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ pour une autre édition de Mélomane qui prend déjà fin, que voulez-vous. Un dernier petit bloc un petit peu plus rétro, disons, parce qu'heureusement, il n'y a pas eu seulement des gens affreusement jeunes qui nous ont quittés en 2016, mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas du monde très influent. On pense à Lucille Dumont, qu'on vient d'entendre avec « Le ciel se marie avec la mer » de 1957. Une grande dame de la chanson qui va aussi enseigner le chant pendant des années par la suite. Elle va enseigner entre autres à Sylvain Lelièvre et Marie-Denise Pelletier, mais là j'en passe vraiment une longue liste. Sharon Jones, qu'il faut connaître si c'est pas déjà fait, qu'on a entendu ici avec ses Dap Kings aussi nous interpréter Mama Don't Like My Man en 2010, Madame Jones qu'on a perdu au jeune âge de 60 ans, et juste avant, le grand Pierre Barou qui nous a quittés dans le temps des fêtes. On a entendu Samba Sarava, extrait célèbre de Un homme et une femme du film de Claude Lelouch en 66. Pierre Barou qui a fait connaître la musique brésilienne à toute l'Europe. Tout ça amorcé par un hommage à Monsieur Hockey en personne. Gordie Howe is the greatest of them all, chanson composée par le Québécois Bob Davies en 1963. Donc écoutez, c'est déjà tout pour ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse année 2017. Très content d'être de retour. Nous, on va tâcher de vivre et de rire en 2017. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 20h, pour une autre édition de Mélomane. Et évidemment, on en a oublié plein de gens ce soir, mais quand même, je vous laisse avec une petite surprise. Je voulais y aller avec Jean Roger. Évidemment, j'ai pensé à Michel Delpech. La liste est très longue encore, mais je pense qu'on va y aller avec une petite surprise. Toujours 99.1 CFNJ. That's the way I like it, baby. I don't wanna live.